cours numéro 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna fi al-tars al-sabiq ma yata'allaq bi fada'il la ilaha illallah. Dans le tars précédent, on a lu le kalam de Cheikh Hafid al-Hakami rahmatullah alayh, et il a cité plusieurs ayat fi fadl la ilaha illallah. فَمَنْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْفَضَائِلِ. Qui c'est qui peut citer une ayah ou un hadith في فضائل لا إله إلا الله. هي كلمة الحق قال عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أحسنت. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. كذلك قال تعالى إلى لم يكون الشفاعة إلى من عهد. أحسنت. فهو العهد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم ومن السنة. تذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله أي ثقلت عليهن. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحديث عن عتبان في الصحيحين رضي الله عنه. كذلك حديث on l'a pas cité, et il est مهم في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. Cet homme, il sera appelé يوم القيامة فينشر له تسعة أو تسعة وتسعون سجلا ثم هذا الرجل, il lui sera présenté 99 registres من المعاصي ومن المخالفات كل سجل منها مد البصر أي معاصي كثيرة سجلت عليه. الملائكة, ils ont enregistré, ils ont écrit على هذا الشخص des معاصي كثيرة qu'il a fait. ثم يقول الله تبارك وتعالى له, أي الله سبحانه وتعالى, il va dire à cet homme, أتنكر من هذا شيئا, أي est-ce que tu renies هذا, فيقول لا يا رب. فهذا الرجل va reconnaître أنه il a vraiment fait هذه الأشياء. فيقول عز وجل ألك عذر أو حسنة, est-ce que tu as une excuse, عذر أو حسنة, لأن الآن c'est 99 registres, c'est des معاصي et des مخالفات. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. فيقول الرجل لا يا رب. Cet homme dira لا, j'ai pas d'excuse et j'ai pas de حسنة. فيقول عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة عدل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يجيغا ستم بلى, سي tu as une حسنة. لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. C'est un مسلم, il est mort على التوحيد. هذه الحسنة الله سبحانه وتعالى il lui montre أنه سجلت, elle a été enregistrée كذلك في أعماله, لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. فيقول أي الرجل يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. Cet homme, كأنه il va voir que une حسنة avec toutes ces معاصي, il comprend pas, est-ce que cette حسنة va avoir une importance. فيقول عز وجل إنك لا تظلم, il n'y a pas de ظلم يوم القيامة. Celui qui a fait une hassana yaraha, et celui qui a fait des sayyat, كذلك. فيقول عز وجل إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة, أي الميزان. الكفة c'est un plateau du ميزان, un côté. فالي 99 registres dans un côté et البطاقة, البطاقة c'est une carte مكتوب فيها لا إله إلا الله التوحيد. والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء في رواية. فهذه البطاقة elle sera plus lourde que toutes ces معاصي, toutes ces مخالفات. الحديث رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه, كذلك الإمام الترمذي وغيرهما إليه صحيح. Ce hadith montre fadl la ilaha illallah. Anna celui qui meurt à la tawhid, fa inshaAllah il est mort na'am ala hala tayyiba. Bien sûr, avec ce qu'on va expliquer, ce que ce tawhid il implique. Fa hadhihi al-fada'il que al-ulama iscit fi kutubihim et qu'on a lu huna min kalam Cheikh Hafiz, i'lam akhi al-karim anna hadhihi al-kalima, pour profiter de ces fada'il, falabud min tahqiq ma'naha والعمل بمقتضاها والالتزام بشروطها. هذه الكلمة pour qu'elle soit profitable pour le mu'min, أي هذه الشهادة العظيمة, le premier pilier de l'islam, لا بد أن هذا المسلم وهذه المسلمة prononce هذه الكلمة avec une aqida, avec une conviction. Et cette kalima a un sens qu'on va voir aujourd'hui inshallah ta'ala. كذلك cette kalima a des conditions. C'est pas tous ceux qui la prononcent أن cette kalima leur sera profitable. كذلك cette kalima elle a des choses qui l'annulent. فلا بد لجميع المسلمين أنهم يدن du temps à هذا. Ils donnent du temps à comprendre cette kalima. قال الشيخ حافظ رحمه الله ولكنها, أي cette kalima, après avoir cité الفضائل, il fait une remarque رحمة الله عليه, ولكنها قد قيدت بقيود ثقال. قيدت بقيود ثقال, أي cette kalima, il y a des choses, des conditions à valider pour qu'elle soit correcte, pour qu'elle soit profitable. وقد قيدت بقيود ثقال, أي il veut démontrer رحمة الله عليه أنه c'est pas tous ceux qui la prononcent أنهم يستفيدون منها. قيدت بقيود ثقال, c'est pas une kalima qu'on prononce et l'important ou le but c'est de prononcer faqat, la, c'est une kalima la ma'na azim. هذه الكلمة كما تقدم معنا سدعوة الرسل جميعا كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في الآية الأخرى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الكلمة c'est une kalima azima, quyidat bi quyudin thiqal. Qala, hiya athqal ala man adallahu Allahu min al-jibal. Hadhihi al-quyud, ay ces conditions, elles sont athqal, ay plus lourdes que le jibal, que les montagnes, pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala il a égaré. Et on va citer deux exemples. Al-munafiqun, ceux qui font apparaître l'islam et qui prononcent cette kalima. Et كذلك, le deuxième exemple, al-mushrikun. Ils ne l'ont pas prononcé, mais ils l'ont comprise. Ça te montre an-al-muwaffaq man waffaqahu Allah. Celui qui prononce cette kalima et qui comprend le ma'na et qui l'applique. هذا c'est min tawfiq Allah azza wa jalla. Et c'est une ni'ma azima, yajibu alayna jami'an ash-shukr. On doit tous être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cette kalima. Comme min al-nas la prononce pas. يستطيع كبر والعياذ بالله وغرور لورغوي لانتيتمون كم من الكفار الان لا برونس با ابدا ولو تلف ما تريد لا برونس با لان الله اضله عياذا بالله كم من الناس لا برونس اي كومبرن با ربما لا برونس aujourd'hui et demain il la khalif كم من الناس ils ont pas compris ما وفقوا للفهم. Et ils pensent que cette kalima, la signification c'est telle chose, et ils se trompent. Le fait de comprendre cette kalima, et d'aimer cette kalima, et de la prononcer, c'est une ni'ma azim alayk. Lakin cette ni'ma, la budan tashkur Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais des efforts fi hada al-ilm. Tu fais des efforts fi tawhid. Na'am, tadrus kutub ahl al-ilm. Et tu essayes de comprendre, et si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité à comprendre hadith al-kalima, tu fais des efforts pour propager. Fa kam min al-nas, nos proches, certains de nos proches, la ya'lamoun an hada al-ilm wa hadhihi al-ma'na shay. Certains de nos proches, ma ya'lamoun shay. Il dit la ilaha illallah, demande-lui c'est quoi le sens. Ma yadri. Hada c'est muhim. Qala, hiya athqal ala man adallahu Allahu min al-jibal. وأشق عليه حملها من السلاسل والأغلال. السلاسل والأغلال, كأنه il a des chaînes autour du cou lourdes à porter. فهذه الكلمة elle est أثقل. Et c'est encore plus difficile pour lui que ces chaînes. توفيق من الله عز وجل. أما من وفقه الله وهداه ويسر له سبل النجاة. تستفيد من هذا أن cette compréhension et ce عمل pour توحيد ou autre, c'est بتوفيق الله عز وجل. أما نحن on est des عباد ضعفاء. On est des عباد ضعفاء. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui facilite. وَيَسَّرَ لَهُ سُبُولَ النَّجَى. Ça te montre que ذلك أن التوحيد c'est أعظم أعظم سبب للنجاة pour être sauvé في الدنيا والآخرة. C'est التوحيد. وهذا تقدم معنا كثيرا. قال وَجَعَلَ هَوَاهُ تبعا لما جاء به رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. كذلك son but c'est de suivre النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي ضعيف جاء حديث في هذا أن المؤمن سهوى إذ وتوفق pour suivre النبي صلى الله عليه وسلم. جاء حديث في هذا اللفظ مرة معنا في الأربعين إن شاء الله on le reverra dans notre prochain درس بإذن الله dans الأربعين avec nos frères arabes. على كل حال الحديث اللي ضعيف لكن المعنى لصحيح أن الإنسان fait attention à الهوى. Il fait attention à l'hawa et il suit sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et si ses passions contredisent un texte, min al-Qur'an ou min al-Sunnah, fa il fait passer les textes avant. Qala fa hiya ashalu alayhi wa aladhu ladayhi min al-adhbi al-zulal. Amma celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala facilite, très simplement il la prononcera, et il la comprendra, et il l'appliquera. Et tout ça, il est murtah. Tout ça, c'est bifadlillahi jalla wa ala. قيل للحسن البصري رحمة الله عليه من أئمة السلف إن أناس يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Ils ont dit هذا الحسن لأن tous ces hadiths qu'on a vu ou les versets في فضل لا إله إلا الله, بعض الناس ils ont compris que la prononciation ça suffit et هذا c'est un خطأ كبير. Ils ont demandé à الحسن رحمة الله عليه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أي بعض الناس يديز هذا جزك دم شو أن إلى دي لا إله إلا الله سامؤمن إلى في الجنة. قال رحمة الله عليه من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. إلى ستة لقيود لconditions ثقيلة que Cheikh Hafiz il nous a cité dans son كلام et qui va détailler رحمة الله عليه va citer les conditions. فالحسن البصري رحمه الله عليه l'a compris. السلف ils ont compris ولا شك ان ça suffit pas une prononciation. من قال لا اله الا الله فادى حقها وفرضها. انا حق على des conditions على مقتضى اي des choses des implications. Si tu l'as dit ça va impliquer telle chose qu'on va voir معكم باذن الله dans les شروط. دخل الجنه. وقال وهب ابن منبه رحمه الله عليه لمن ساله وهب ابن منبه كذلك من أئمة السنة أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة. Ils lui ont demandé est-ce que ou c'est vrai que لا إله إلا الله c'est مفتاح الجنة. مفتاح الجنة la clé pour entrer في الجنة c'est التوحيد لا شك ولا ريب. Il y a aucun doute في هذا. لكن قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. Chaque clé elle a des أسنان des dents. C'est pour ça que chaque clé, elle ouvre. Maintenant, cette clé, elle est pour cette porte. Tu ne peux pas ouvrir avec chaque clé n'importe quelle porte. Il faut la bonne clé. فَهَكَذَا لَا إِلَهَا إِلَّا. Il faut la bonne clé. قَالَ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَحْ لَهُ أَسْنَانْ فُتِحَ لَكَ. Et si tu viens يوم القيامة avec cette clé, avec les bonnes dents, et la bonne clé, فُتِحَ لَكَ. Les portes, elles seront ouvertes pour toi. وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ. Si tu viens avec la mauvaise clé, la miftah lak. La ilaha illallah, c'est la clé, et les dents, c'est ashurut, c'est les conditions. La bud min hadhihi al-kalima, wa la bud min tahqiq ashurut. Fa laysa kullu man talaffadha bish-shahadatayn annahu min ahli al-iman. C'est pas tous ceux qui prononcent ash-shahada annahum c'est des mu'minun. La bud min shurut, des conditions atim. Et là, chacun a le muslimoun, walillahi alhamd, ils aiment cette kalima, ils la prononcent, c'est des muslimoun. Lakin, ta'ammal, qawla Allahi jalla wa ala, idha ja'aka al-munafiqoun. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Pourquoi on cite ce verset هنا عند من تفضل أحسنت. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. فالمنافقون على époque du prophète صلى الله عليه وسلم ils disaient أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Et la preuve c'est que en apparence c'était des musulmans. C'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم il les a pas combattus. Munafiq. Il fait apparaître l'islam et au fond de lui c'est un kafir. C'est quoi cette chose qui fait apparaître? C'est le shahada, c'est le salat, etc. Al-Muhim, il prononce le shahada. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. الله سبحانه وتعالى يسأل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله يتمون سبحانه وتعالى أن المنافقين سيد المنطق. Est-ce que cette shahada a été acceptée là? Pourquoi? لأنهم ils ont pas حقق les conditions. Parmi ces conditions qu'on va voir, la véracité, dès que tu la prononces, tu sois véridique, al-munafiq, il la prononce et c'est un menteur. Il la prononce ou pas parce qu'il croit. Annahu la ilaha illallah, anna Muhammadan Rasulullah. Là, il la prononce les gharad dunyawi, pour préserver son sang, ses biens, ses enfants, etc. Hada, ce verset te montre, anna laysa kullu man talaffadha biha tanfa'u. C'est pas tout ce qu'il la prononce, cette kalima va leur être profitable. فأنت أخي الكريم أخي المسلم on la prononce et on fait attention de ne pas la contredire comme ils l'ont contredit المنافقون. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمة الله عليه صاحب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قوله من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا أي tout l'ahadith tous les versets في فضل لا إله إلا الله. Cheikh al-Islam, Mohamed ibn Abd al-Wahhab, dans son kitab, il a un kitab al-Tawhid, un kitab azim fi Tawhid, et il cite dans les premiers chapitres, Bab, Fadl, La ilaha illallah. Et Cheikh Abd al-Rahman, il explique l'un, dans son charh Fath al-Majid. Man takallama biha arifan li ma'naha. Il doit connaître le ma'na. Elle m'a prononcé une chose, et tu ne comprends pas ce que tu prononces, sur le moment tu contredis. Ou tu ne peux pas appliquer une chose que tu ignores. Hada ma'rouf. A'amilan bi muqtadaha. Kadhalik. Ce sens qu'on va voir dans la première condition, ce sens, avec celui qui mérite l'adoration, c'est Allah seul, il doit l'appliquer. C'est pas faqat une connaissance. Anahu il sait, thumma, il adore pas Allah, ou il fait du shirk. Fa'ada la tamfa. Fa'la ilaha illallah, et la ma'bouda haqqun illallah, et celui qui mérite d'être adoré, c'est Allah seul, il doit reconnaître, avoir la conviction, thumma, il doit appliquer. Qala, fa'la bud. في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها كما قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. Vous avez remarqué que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il a pas dit faqul, il prononce dit la qal fa'lam, c'est une prononciation avec ilm, tu sais pourquoi tu dis هذا. وقوله الا من شهد بالحق وهم يعلمون تقدمت الايه, ils ont prononcé cette kalima c'est le haq. وهم يعلمون, et ils sont à l'ilm, ils savent pourquoi il l'a prononcé. قال اما النطق بها من غير معرفه معناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءه من الشرك واخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالاجماع. Il rapporte l'unanimité de اهل العلم ان celui qui l'a prononcé il connaît pas le معنى. Et il ne l'applique pas. Et il n'a pas la certitude. Et كذلك, il ne se désavoue pas du shirk. Ou de l'ahli shirk. Il a prononcé une chose qu'il n'applique pas. Il n'a pas la عند الله سبحانه وتعالى. فالإيمان عند أهل السنة كما تعلمون قول وعمل واعتقاد. Un قول avec conviction, une croyance. كذلك des أعمال. والله المستعان. Tout ça, ça nous montre, يا إخوان, l'importance de هذه الدروس في التوحيد. C'est par ça qu'on doit commencer. Perds pas ton temps dans le qil ou le qal. Perds pas ton temps dans le fitan. Perds pas ton temps dans le niqashat al-fariqa. Perds pas ton temps dans des choses qui sont beaucoup moins importantes que hada. Haqqaq hada awwalan, et tout ce qui suivra, inshallah, ça sera tayyib si c'est fondé sur hada. Mais délaisser hada et perdre son temps dans des choses كذلك الحذر من الدنيا لأن بعض الناس من المسلمين بل من أهل السنة يزون كم دي بروبلم في هذا لماذا لأن ce point important أي la shahada il faut donner du temps pour connaître le معنى pour apprendre les shurut il faut lire il faut étudier حتى الإنسان يكمبرون et si tu comprends كذلك tu fais دعوة à ta famille كم من العوام من المسلمين إذا لا إله إلا الله ثم إلى غرجة سيدي فلان أين تم أين العمل بمقتضاها إذا لا إله إلا الله أي personne ne mérite d'être adoré sauf Allah ثم إلى غرجة أخرى الله فلماذا إلا prononcé إما il sait pas ce qu'il a prononcé إما il a prononcé il خالف بعمد et en général الجهل il sait pas il pense que sacrifier pour ce mort ça le rapproche d'Allah alors qu'il a prononcé une shahada qui lui interdit ce fi'l. Lakin ma yadri. Il ne sait pas, la ilaha illallah ma yadri ma nataqa bihi lisanu. Donc c'est nous, bi'idnillahi azza wa jala ahli sunnah, qui devons faire des efforts pour propager hada tawhid. Tu vas attendre mina al-shi'a, mina al-rawafid, c'est des mushrikoun. Tu vas attendre al-sawfiyya, tu vas attendre men, jama'at al-tabligh al-juhal, al-ikhwan al-thawwar, ils sont mashghouloun bi-siyasa faqat. Tu vas attendre أصحاب الدنيا لا لا يقوم بهذا الواجب إلا أهل السنة السلفيون ولله الحمد نحن اسم على مسمى c'est pas une étiquette فقط السلفي السني la première chose le premier fondement comme on a déjà vu dans beaucoup de cours مع إخواننا أن le premier fondement c'est تحقيق التوحيد تحقيق العقيدة لكن c'est pas que باللسان هذا بعلم وبعمل إدزفر نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق قال بعد ذلك الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه il va citer les conditions et il va commencer par la première et la plus importante العلم قال الأولى أو من الشروط الأول العلم بمعناها الذي دلت عليه وأرشدت إليه donc cette kalima elle a une ma'na. Voilà que la jami' al-kalam, chaque parole, que ce soit en langue arabe ou autre, elle a une signification. Qala, qala Allah ta'ala, illa man shahida bil-haqqi wa hum ya'lamoun, ay shahidu bi la ilaha illallah wa hum ya'lamoun bi qulubihim ma'na ma nataqu bihi, ou ma nataqu bihi al-sinatuhum, bi al-sinatihim. وفي مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة في هذا الحديث حديث عثمان الرسول صلى الله عليه وسلم قيد هذه الكلمة أي لا بخصيزي إلا ديمونتري أن pour qu'elle soit utile أي دخول الجنة لا بد من العلم donc il faut deux choses في الحقيقة الآن dans ce hadith tu as les deux points qui c'est qui nous les cite Il faut deux choses pour profiter, pour qu'elles soient utiles. Indak, al-ilm. Et bien sûr, avec les autres conditions, inshallah, qu'on verra. Lakin, on est dans la première condition. Enfin, pour l'instant, on cite que la première. Al-ilm. La deuxième chose, hein? Ahsant, ma ta'ala dhalik. Celui qui la prononce, et il meurt à la shirk, elle lui est d'aucune utilité. Même s'il connaissait le ma'na, même s'il l'a appliqué. Lakin, s'il meurt à la shirk, ou l'iyadu billah, fala tanfa'uhu fi shay. Qala azza wa jalla, in ashrakta la yahbatanna amaluk, wa la takunanna min al khasirin. Hadi, la tanfa'uhu. D'aucune utilité. Enfin, deux choses. Ashurut, connaître le ma'na, bien sûr, et appliquer, etc. Tous les shurut qu'on va voir. Et, yamut ala dhalik. ومن دعاء المسلم on doit faire beaucoup de دعاء نحن أن الله سبحانه وتعالى يتوفانا على التوحيد وعلى الإيمان لأن من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة يغنطخوها في الجنة ولو سيل في معاصي ولو سيل في فبلس فإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه من سيل شاتي فأن جوغ لوتر يسختيغا يغنطخوها في الجنة لأن النار لحرام أي التخليد فيها لحرام على الموحدين Même s'il rentre, il sortira un jour ou l'autre. Kama anna al-janna li haram ala al-mushrikin. Donc c'est quoi la différence entre nous et le mushrikoun? C'est al-tawhid. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-janna. Fa qayyadaha bil-ilm bima'naha wa huwa nafyu al-ibadah an kulli ma siwa Allah azza wa jall wa ithbatuha lillahi wahdahu la sharika lah. C'est ça ma'na la ilaha illallah. Deux choses, et c'est les deux piliers. La ilaha illallah, elle est fondée sur deux piliers. La bout que le musulman, il doit haqq les deux piliers. Hatta cette shahada, elle est valide. Le premier pilier, قال, wa huwa nafi al-ibada an kulli ma siwa Allah. Et tu dois avoir la conviction que personne ne mérite l'adoration. Qui c'est qui nous cite ce pilier dans la shahada? Aina hadha ar-rukn dans la shahada? Ah, inda. La ilaha. La ilaha, ahsant. Nafyun. La ilaha. Ah, tu prononces hadhihi al-kalima et dès que tu dis la ilaha, tu as la conviction que personne ne mérite d'être adoré. Thumma ithbat. Ay, ithbatuha ay al-ibada lillahi wahda. أين الإثبات في الكلمة؟ إلا الله. نفي وإثبات. Et c'est ça حقيقة التوحيد. T'es obligé d'avoir un نفي والإثبات. نعم. لأن si on dit Allah c'est le معبود, on a fait quoi? Du نفي ou du إثبات? Allah c'est le معبود. أي Allah il est adoré. C'est du نفي ou du إثبات? Un نفي c'est nier. إثبات c'est affirmer. إثبات. Tu dis que Allah il mérite d'être adoré. Est-ce que ça suffit? Les mains, non. Les mains, ça suffit pas. Si on dit Allah, c'est le ma'boud. Non, mais les mains, dans ce qu'on voit de nos jours, ça suffit pas, les mains. Non, pardon, je suis chez les. Toi, tu dis Allah c'est le ma'boud. Non. Un autre, il adore une vache. L'autre, il adore un qabr. Wahad, il adore le soleil. Wahad, il adore le shaitan. Donc, ça ne suffit pas. Là, tu es obligé de dire La ilaha illallah. C'est pour ça que la shahada elle est venue avec cette formulation. Nafi wa ithbat. Mathalan, pour vous donner un mythal, pour vous rapprocher akthar, al-ma'louma. Mathalan, si je dis Al-akh, Suleyman, il est dans ce garage. Est-ce que c'est haqam là? Naam, Suleyman il est dans le garage. Est-ce que il est tout seul? Là. Donc Suleyman il est dans le garage, c'est du ithbat. Ithbat an al-akh il est huna. Naam, ça veut pas dire que il y a pas d'autres frères. Si on veut que Suleyman il soit tout seul dans ce garage, qu'est-ce qu'on doit dire? Ma fi ahad huna illa Suleyman. Ahsant. La ahad ou ma fi ahad illa Suleyman. Nafi, il n'y a personne sauf Suleyman, il est tout seul. Si on dit il n'y a personne dans le garage sauf Suleyman, il est tout seul, il n'y a personne. Si on dit Suleyman il est dans le garage, Obama, il y a 50 personnes. Fahakada huna. La ilaha illallah. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Nafiun, la ahad yastahiq l'ibada illallah wa ithbatuha lillahi wahda. C'est ça. Al-ma'na, elle est fondée sur ces deux piliers. Donc les ulama ils citent le ma'na li la ilaha illallah wa yaqulun la ma'bouda haqqun illallah ou la ma'bouda bi haqqin illallah. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah ay bi haqq. Pourquoi kalimat bi haqq elle est importante? Indaman. Pourquoi les ulama quand ils l'expliquent ils disent bi haqq? Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de rendre Allah sans jeu. Non, mais pourquoi bi haqq elle est importante? Parce que c'est le seul qui mérite. أحسن لأن الآخرون يسون أدوري كذلك لكن الله سبحانه وتعالى لا أدوري بحق قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في سورة لقمان الباطل صن هو هذا هو التوحيد كم من الناس الآن يسون أدوري من دون الله عز وجل لكن سين أدوراسيون بباطل إسد الشرك إسد الكفر أما الله عز وجل لا أدوري بحق. C'est ça, la ilaha illallah. Si on a compris cette kalima là, on va rejeter al-shirk. Ceux qui adorent autre qu'Allah, ou nous aussi prononcent la ilaha illallah, elle lui est d'aucune utilité. Il prononce une chose, il la contredit avec ses amal. قال الشيخ حافظ رحمه الله وإثباتها لله وحده لا شريك له أما من هذا بها هذيانا ككلام النائم لا يعلم معناها فكيف ينفي ما نفت ويثبت ما أثبتت وهو لا يعلم شيئا من ذلك أم كيف يعمل بمقتضى ما لا يعلمه. Mais ça c'est important. أما من هذا بها هذيانا ككلام النائم لا يعلم معناها. الشيخ حافظ إذن un exemple. Anna, celui qui la prononce sans comprendre, ou il le fait ressembler à celui qui rêve, qui dort et yatakallam. Ça arrive, hada. Ba'd an-nas, quand il dort, il parle. Quand il se réveille, tu lui demandes qu'est-ce que tu as dit, mais yadri. Il dit, je ne sais pas. فَحَكَدَ بَعْضُهُمْ بِلَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ. أما celui qui ne sait pas, on patiente sur lui et on lui montre. كَمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَسَاكِينَ ils ne savent pas. Personne ne leur a montré. فَمِتْلَهَا أُولَا on leur montre. لَكِنْ on conseille كَذَلِكَ الْمُسْلِمِ de faire des efforts. Il y en a fait دنيا كَذِي مِنَ النَّاسِ ils font des efforts. مِنَ الصَّبَحِ إِلَى اللَّيْلِ مِنَ الصَّبَحِ إِلَى اللَّيْلِ ils font des efforts. جِدًا pour الدنيا. Pour se préserver, préserver leurs enfants, pour faire une maison, etc. Et pour هذه الكلمة les efforts ils sont قليل. لكن on montre celui qui ne sait pas, on lui montre. حتى تقوم الحج على العباد. قال ككلام النائم لا يعلم معناها فكيف ينفي ما نفت ويثبت ما أثبتت. Les deux piliers الآن نفي وإثبات. Qu'est-ce qui doit renier ce musulman en prononçant la ilaha illallah? عند من? Qu'est-ce qui doit renier? عند كاري? العباد لغير الله. هذا dès que tu dis la ilaha illallah, tu dois détester Al-Yahoud parce qu'ils adorent autre qu'Allah. Tu dois détester Nasara parce qu'ils adorent Isa ibn Maryam. Ils adorent autre qu'Allah. Tu dois détester tous ceux qui adorent autre qu'Allah. Al-Mushrikoun. Limada, il y en a, t'as prononcé une chose et Haoula, ils la contredisent. Et tu sais que c'est des kafaras. Limada, ils ont contredit Al-Tawhid. Hada, l'an, on revient à celui qui ne connaît pas le ma'na. Kayfa yanfi ma nafat? Comment il va faire ce nafi? Il ne sait même pas de quoi on parle. C'est ça le principal problème fil umma, il est huna. Le problème, ce n'est pas les gouverneurs. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est nous. On ne fait pas assez d'efforts fi hada. Quand on dit nous, les musulmans en général. Amma, si on haqqaq hada, fa Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre les portes. Wa yansur man nasara. In tansur Allah, yansurkum yuthabbit aqdamakum. Et la première chose qu'on doit vérifier, qu'on doit haqqaq, c'est hadihi ash-shahada. النبي صلى الله عليه وسلم قتل أنبياء الصحابة أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. La première chose, pas que prononcer là, لا بد يعلم معناها. C'est pour ça que pour celui qui se convertit, c'est muhim هذا. واحد يبغى يتكونvertir à l'islam, c'est pas il prononce فقط. Dit la ilaha illallah, il dit c'est même pas ماذا قال. ثم quand tu parles avec lui, tu te rends compte que أنه il dit نصارى c'est nos frères. Là je suis rentré dans l'islam. كأنه c'est une culture ou كأنه لا لابد من البراء من الكفار فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لابد من الكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أي لا إله إلا الله. Donc la première chose qu'on doit lui montrer à se convertir c'est هذا. Tu veux rentrer vers l'islam, alhamdulillah, tu vas prononcer cette shahada. Cette shahada, le sens c'est هذا. T'as plus le droit d'adorer Isa, t'as plus le droit d'adorer Uzair, t'as plus le droit d'adorer autre qu'Allah. Tu dois avoir la conviction, celui qui mérite l'adoration c'est Allah seul. Et là, vous t'akfur bi ta'ud. Tous ceux qui adorent autre qu'Allah, les religions qui sont fondées sur autre que Tawhid, qu'Al Yahoudiya, Nasraniya, tu dois avoir la conviction que c'est des kafaras. S'il est prêt, il accepte, alhamdulillah, témoigne, t'es un musulman. Ta'ammal la wahid, il dit là, là, je dis la ilaha illallah, mais non, je dis pas les autres, c'est des kuffars. Je peux pas. Fahada, laissa bi muslim, c'est pas un musulman. Abatan. Hatta yuhakkik, hadihi al-ma'na. Fa l'islam, c'est pas un nom. L'islam, c'est pas on prononce une chose qu'on comprend pas et on lui change son nom. Il s'appelle Mohammed ou Abdullah et Tayyib, khalas. Là, l'islam s'est fondé sur l'ilm. Ou l'amal. قال وهو لا يعلم شيئا من ذلك أم كيف يعمل بمقتضى ما لا يعلمه. مقتضى لا إله إلا الله, c'est important. Et t'as deux choses là. T'as le ma'na, la signification qui est fondée sur deux piliers. Al-Nafi ou l'Ithbat. Quand tu as compris cette ma'na, la ma'abouda haqqun illallah azza wa jal, personne ne mérite d'être adoré sauf Allah, il y a un muqtada. Muqtada al-kalam, ça veut dire un amal. Et ça va impliquer des choses. Mazalan, tu dois de l'argent à wahid. Et tu dis, je vais lui rendre son argent. Fayyib, on comprend quoi de ce kalam? Que tu vas lui rendre son argent. Muqtada hadha al-kalam, c'est que tu lui donnes. Amma, si tu parles, tu dis, je vais lui rendre son argent et tu lui as jamais rendu, est-ce qu'il y a une fa'ida? Il n'y a aucune fa'ida. Il va te demander mon argent, j'ai besoin, je la veux. Donc il y a un kalam, il y a un muqtada, un amal. C'est ça le muqtada. La ilaha illallah, il y a une ma'na qu'on vient de citer. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Et le muqtada, c'est cette chose, ce amal qui va valider. Et le muqtada, huna, c'est ibadatullahi wahdahu la sharika. Hada huwa muqtada. Et tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et t'écarter du shirk. Cheikh Hafid rahmatullah alayhi قال وهو لا يعلم شيئا من ذلك ام كيف يعمل بمقتضى ما لا يعلمه. Comment il va appliquer une chose qu'il ignore? C'est pour ça que tu trouves كثير من الناس il dit la ilaha illallah ويخالفها بكل وضوح. Il dit la ilaha illallah ربما في الصلاه ou في التشهد, il se lève et il fait sujoud à une tombe et la tombe elle est fait le masjid. هذا il est où le problème الآن. Il dit une chose et il fait l'inverse. هذا c'est خطير جدا. المسلم il doit faire des efforts dans ce point. هناك تفسيرات باطلة للا إله إلا الله. الآن on va citer des explications, des significations de لا إله إلا الله qui sont pas correctes. Et كثير من الناس ils pensent que لا إله إلا الله ça veut dire telle chose. Et في الحقيقة c'est pas correct. بعض الناس ils pensent que لا إله إلا الله l'explication c'est la khaliqa illallah ou la raziqa illallah. Et le créateur c'est Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est sahih? Non, mais on commence par le début. Explique la khaliqa illallah, c'est sahih. Non, le créateur c'est Allah Azza wa Jal, il n'y a aucun problème fi hada, il n'y a aucun doute. Lakin explique la ilaha illallah par la khaliqa illallah, c'est sahih. Expliquer shahada par la khaliqa illallah. Hey, il n'y a pas de créateur sauf Allah. Est-ce que c'est sahih? Limada? Hada wadih. Lakin pourquoi expliquer la khaliqa illallah? T'expliques la shahada bi la khaliqa illallah, c'est pas bon. لأن المشركين يعتقدون ذلك. Et avec hada, ils sont pas rentrés dans l'islam. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. Si tu leur demandes qui c'est qui les a créés, ils vont dire Allah. Ils ont reconnu le Rububiyya. Malgré hada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus et ils ont combattu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ils ne sont pas rentrés dans l'islam. Ça te montre que le Rububiyya, ça ne suffit pas pour rentrer dans l'islam. Alors que la ilaha illallah, c'est les clés pour rentrer dans l'islam. Donc, la ilaha illallah, l'explication, ce n'est pas la khaliqa illallah. Qal shaykh al-islam le taymiyya rahimahullah, fi al-fatawa, fa inna al-tawhid al-wajib, an na'bud Allah wahdahu, la nushrik bihi shay'a. ولا نجعل له ندا في الإلهية ولا شفيعا. أما توحيد الربوبية وهو الإقرار بأنه خالق كل شيء فهذا قد أقر به المشركون. نحن reconnaît bien sûr et chaque muslim il doit reconnaître que Allah c'est le créateur وإلا c'est pas un muslim. لكن ça suffit pas. لماذا؟ لأن حتى المشرك il reconnaît هذا. قال شيخ الإسلام وهو الإقرار بأنه خالق كل شيء فهذا قد أقر به المشركون الذين قال الله فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. La plupart d'entre eux ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala et c'est des mushriks. Ils croient en quoi? وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Ils croient en quoi هؤلاء المشركين? Ah. C'est vaste, précise. أنه الخالق. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. La plupart d'entre eux ils croient en Allah, que c'est leur robe, que c'est lui qui donne, que c'est lui qui les a créés. Illa wahum mushrikun. Et c'est des mushrik. Ils reconnaissent le Rububiyya, que Allah c'est le créateur. Wahum mushrikun, ay fil ibad. Famatalan kuffar Quraysh, ils n'ont jamais dit, anna, les créateurs c'est les statues. Ou c'est lui-même. Ils reconnaissaient que c'est Allah. Lakin, ils adoraient autre. Qala, rahimahullah, Qala ibn Abbas. تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله. Tu leur demandes qui c'est qui a créé Allah ou mushrik, qui te dira Allah. وهم يعبدون غيره. Mais ils adorent autre. وتأمل حال المشركين قديما وحديثا. Tu les trouveras هكذا. حتى de nos jours. Tu lui demandes pourquoi tu sacrifies pour cette tombe. Pourquoi tu fais de dua. Pourquoi tu demandes à ce mort, il ne peut rien donner. Et il te dit mais je sais que c'est Allah qui donne. Il sait très bien que c'est Allah qui donne. Lakin, pourquoi il demande à ce mort? Pour que ce mort, il demande à Allah. Shirk. C'est ça, shirk. Pourquoi il ne demande pas à Allah Azza wa Jal directement? Le fait qu'il ait demandé à ce mort, cette demande, c'est une ibada. Qu'est-ce qu'on a dit, fi shahada? La ibada, c'est pour qui? Pour Allah. Il a donné une ibada autre qu'Allah, c'est du shirk. Il a annulé la ilaha illallah. C'est un din. Lakin, avec ce tafsir, il est dangereux. L'imada, ce tafsir, il est dangereux. L'anna. كثير من الناس يفهم penser que لا إله إلا الله c'est la khaliqa إلى الله. Donc même s'il fait du shirk, il va dire لكن j'ai pas annulé لا إله إلا الله. Je sais que c'est Allah le créateur. Ça suffit pas. C'est pour ça que لا إله إلا الله c'est pas l'explication, c'est pas la khaliqa إلى الله. لا خالق إلى الله on y croit, لكن il faut l'adorer seul. Les deux. توحيد ربوبية et توحيد الألوهية. وقال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. Si tu leur demandes c'est qui a créé, c'est qui رب السماوات السبع, c'est qui a créé les sept cieux, ورب العرش العظيم, c'est qui le رب du عرش, سيقولون الله, ils diront Allah. Ils vont jamais dire c'est eux ou leur statue. Allah subhanahu wa ta'ala il leur répond قل Aïe, dis-leur, ya Muhammad, afala tattaqoun. Aïe, avec cette croyance en Allah, c'est le Rabb, vous voulez pas craindre Allah? Aïe, l'adorer seul. Donc, reconnaître al-Rububiyya, ça suffit pas. Abadan. Qala Sheikh al-Islam, fahum muqarruna bil Rabb. Al-Haq, alladhi laysa lahu mitlun fi dhatihi wa sifatihi wa jami' af'alihi, walakinnahum ma'a hadha mushrikuna bihi fi uluhiyyatihi bi an ya'buduna ma'ahu آلهة أخرى يتخذونها شفعاء أو شركاء. Donc Cheikh l'Islam il conclut أنهم ils ont reconnu الربوبية لكن ils ont fait du shirk في الألوهية ça leur est d'aucune utilité. تأمل قول الله عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هكذا يكالفي لبخفت محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. C'était pour leur bien et ils leur voulaient du bien et هم هكذا كانوا يقولون وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. C'est un sorcier, c'est un menteur. Pourquoi ils ont été étonnés? قال عز وجل وعجب أن جاءهم منذر منهم. Et ils ont été étonnés que ce منذر et le rasoul il est venu de parmi eux من العرب من قريش. Pourquoi ils ont été étonnés? قال جل وعلا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدة أي toutes les divinités qu'on adore. Muhammad il veut les rendre une divinité unique. إن هذا لشيء عجاب. Pour eux c'était étonnant. Ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce que tu retires de ce verset? Les questions c'est bien, ça fait réfléchir. Daïman on fait en forme de question-réponse. Hatta les frères ils restent dans le dars. Et ils réfléchissent, c'est muhim. أما مجرد une lecture ما تستفيد كثيرا. Qu'est-ce que tu retiens de ce verset par rapport à معنى لا إله إلا الله et par rapport au mushrik? Il y a une faïda عظيمة جدا. تفضل. فهموا أن لا إله إلا الله هو بمعنى لا معبود بحق لكن لا لا يريدون. نعم أحسنت. Al-Mushrik à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris al-ma'na. Léan al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait Qulu la ilaha illallah. Ça te montre ce verset que la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était connue. Wa'ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Ils ont été étonnés de cet homme qui fait cette da'wa. Wa qala al-kafirun hadha sahirun kadhab. Ils essayent de salir son image. Pourquoi? Ils ont très bien compris que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était de délaisser toutes les divinités. Ils ont compris de quoi? D'où? Hada al-kalam? De la ilaha illallah. Ils ont compris hada. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul comme dans le hadith Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah. Ils ont compris aja'ala al-alihata ilahan wahida. Et c'est ça le mana la ilaha illallah. Délaisser toutes les divinités et adorer Allah seul. Qu'est-ce qu'ils ont dit huma? Aja'ala al-alihata ilahan wahida. إن هذا لا شيء عجاب. Ils ont pas accepté. Ils ont dit c'est étonnant. هذا قال شيخ الفوزان حفظه الله يفهمون معنى لا إله إلا الله أي المشركون. Ceux d'avant أما الآن لا يفهمون شيء أكثرهم. قال أنه لا معبود بحق إلا الله وهم لا يريدون ذلك فأبوا أن يقولها. Ils ont refusé de la dire. الكافر à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم il a refusé de la dire pas par ignorance. Ils savaient très bien كبر و et ils ont eu de l'orgueil envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas voulu se soumettre à Allah et suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلْ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur disait dites la ilaha illallah, يَسْتَكْبِرُونَ, l'orgueil. قَالَ عَزَّ وَجَلْ وَيَقُولُونَ أَإِنَّ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Est-ce qu'on va délaisser toutes nos divinités pour ce sha'ir? Il l'insultait d'être un poète. Il a inventé ce Coran. Majnoun, il a perdu la raison. Est-ce qu'ils ont compris la ilaha illallah? Non. Wa yaqulun a inna la tariku alihatina. Ils ont compris de qila lahum la ilaha illallah. Ils ont compris que c'était at-tawhid, adorer Allah seul. Wa yaqulun a inna la tariku alihatina li sha'irin majnoun. Est-ce qu'on va délaisser toutes nos divinités pour suivre ce sha'ir, ce majnoun? C'est ça, ma'ana la ilaha illallah. Donc, ils ont refusé un ilm, pas un jahl, ils savaient très bien. Et ils se sont égarés, et wal'iyadu billah, ils ne sont pas rentrés fil l'islam. Wa kathir minhum, ils ont accepté après le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin celui qui est mort à la hadal hal, c'est un kafir, un mushrik. قال الشيخ الفوزان يعرفون أنهم إذا قالوها تركوا آلهتهم وهؤلاء القبوريون المتأخرون يقولونها ولا يتركون عبادة القبور ولا الأضرحة. المصيبة اليوم تتخو بعض الناس يفعل بخنصي بل يزون دي بدع. Celui qui dit un million de fois, celui qui dit, ils ont كثير من البدع في هذا, il va la prononcer Rabbama plus que toi, lakin il va la contredire en adorant autre qu'Allah. Na'oud billah. Donc nous, on doit faire attention à prendre cette kalima et l'appliquer, et on doit avoir la conviction en connaissant les shuru, en connaissant al-ma'na, en appliquant al-muqtada et ce qu'elle implique, et inshallah, al-muslim il sera à la khayr. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صاحب كتاب التوحيد في الكواشف الجلية في كشف الشبهات كذلك إلى من هذا الكلام فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار. صحيح سسل العجيب في الحقيقة أن بعض الناس إلا بخنص في الحقيقة يكوني بس ككافر على بوك دي بوزا وسلم يكوني السيف في هذه المعنى لكن à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khas satan Quraysh, ils comprenaient la langue arabe. Quand ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire la ilaha illallah, automatiquement ils ont compris la ilaha illallah, ils ont compris nafi wa ithbat. Et il faut adorer Allah seul. Amma kathir min al-nas, là, ils ne comprennent plus la langue arabe. La ilaha illallah, ma yidri. Al-musiba, anna ba'duhum, ils la traduisent, il n'y a de Dieu que Dieu. Ça ne veut rien dire à dal-kalam. On a déjà dit Dieu, ce n'est pas min asma illah, et il n'y a de Dieu que Dieu. La, la ma'boud haqqun illa Allah, il mérite l'adoration seul. Et ceux qui sont en dehors, adorés en dehors d'Allah, c'est bi batil. C'est ça le ma'na. Qala, bal dhanna anna dhalik huwa at-talaffuz bi hurufiha min ghayri i'tiqad. Ba'dhum pense que c'est prononcé faqat. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Pour lui, c'est ça. Il n'y a pas l'ilm, il n'y a pas mat, il n'y a pas tout ça, toutes les conditions qu'on a données et qu'on verra, inshallah. Qala, il conclut à la fin, Cheikh l'Islam, fala khayra fi rajulin. جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. Il y a pas de bien dans une personne kafir, jahil, il connaît mieux que lui معنى لا إله إلا الله. Alors que pour le musulman c'est le premier fondement, c'est la base de son din. Amma le kafir il combat cette kalima. Tu trouves ce kafir il connaît le معنى et ce musulman il la connaît pas. Deuxième tafsir et on finit بهذا نعم ذهب الوقت. بعضهم إلا فسر بالحاكمية. هؤلاء الخوارج الضلال أتباع سيد قطب المنحرف يفسر هذه الكلمة بالحاكمية أي لا حاكم إلا الله. الحاكمية إلا لله سبحانه وتعالى أي on n'a pas le droit de juger par autre que les lois d'Allah. Ils ont restreint الشهادة dans une مسألة الحاكمية. Et c'est quoi leur but à Haoula? C'est de kaffar al-hukkam qui ne jugent pas par autre que les lois d'Allah mutlaqan, sans tafsil. Ou tafsil عند أهل السنة il est ma'rouf. قال الشيخ الفوزان حفظه الله et ils lui ont posé la question حكم من يقول إن معنى لا إله إلا الله هي لا حاكمية إلا لله فأجاب حفظه الله هذا أخذ جزء قليل من معنى لا إله إلا الله. Il a pris une partie. Qui c'est qui peut nous expliquer هذا? Il a pris une partie de quoi? Juger par les lois d'Allah, c'est quoi? C'est une ibadah. Si il explique la ilaha illallah par cette ibadah, est-ce que ça suffit? Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres ibadah. C'est comme si Wahid il nous explique un la ilaha illallah, c'est que tu dois faire salat que pour Allah. Ça suffit pas. Il y a pas que salat. Il y a le siyam, il y a le hajj, il y a le zakat, il y a le sacrifice, il y a le du'a, il y a le tawakkul, il y a le khouf, il y a le raja. Toutes les ibadah. Donc celui qui dit la ma'bouda haqqun illallah, on doit unifier Allah dans toutes les ibadat, que ce soit le hukm ou autre. C'est pour ça que juger par les lois d'Allah, c'est obligatoire. Amma haoula, ils ont pris un juz, faqat. Et ils ont délaissé le reste. Et pourquoi ils ont pris cette partie? Pour kaffar hukam al-muslimin. Pour pas fassal. Pour eux, celui qui juge par autre que les lois d'Allah, il a annulé la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que l'explication de la ilaha illallah, c'est al-hakimiyya. Et l'ulama a raddu ala Sayyid Qut, c'est lui qui a propagé hadal fikr. Et ses suiveurs, walillah ilhamd. هذا ما يتعلق بالشرط الأول. On résume أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. Personne ne mérite l'adoration sauf Allah. هذه المعنى elle est fondée sur deux piliers. النفي والإثبات. نفي est nier toute adoration. Personne ne mérite l'adoration. لا إله إلا الله إثبات. أي نثبت العبادة لله وحده. ثم cette kalima a un muqtada. Aïe, ça va impliquer des choses. Ibadatullahi wahdahu la sharika la. On n'a pas le droit de faire de shirk. Toutes les adorations qu'on fait, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, aqidatu ahl sunnah, anna si ce musulman il délaisse cette ibada, il fait une ma'asiyah, ça dépend de la ibada, ça dépend c'est quoi le ma'asiyah. Il y a des ma'asiyah, elles font sortir de l'islam, qu'est-ce shirk. Il y a des ibadat, les délaisser, ça fait descendre l'iman. La personne, elle reste musulmane. Le tafsir, aqidat ahl sunnah, on l'a expliqué plusieurs fois. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le ma'na et comprendre ce premier char. Donc, la première condition de la ilaha illallah, c'est l'ilm. Et comprendre هذه الكلمة. Et on avait étudié ma ikhwanina min qabl quand on était à Damaj risalati Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab tafsir kalimat al-ikhlas et wallillahi alhamd, on l'a propagé des doros, c'était axé sur cette première condition khas al-ma'na. Et Cheikh l'Islam et Cheikh al-Fawzan, ils avaient détaillé et on avait lu la risala avec nos frères. Enfin, celui qui veut plus de détails, fal yuradi' tilka al-risala. Et le prochain dars, inshallah, na'khud la deuxième condition. Réviser hada, c'est muhim. Et résumer les notes que vous avez prises. Et inshallah ta'ala, le prochain dars, n'antaqil ila ash-shart al-thani. N'aktafi bi hada al-qadr. Hayyakum Allah.